Haute tension sous le porche, on a et le domicile. Suffit de 2-3 headshots, au futur rap, on le détourne. J'me sens comme un Glock, au pays des canifs. Insolent devant le proc, il connaît pas ma vie. Plus qu'à pêcher dans le stock, si tu mets le tarif. Scène de crime dans le bloc, c'est orange mécanique. On mène la fast life, tout ce qui dépasse est métallique. Ça va te faire tout drôle, de surraison tes canines. Pareil que le mal est partout, il est invisible. Si ça riposte, on sort les bécis. Baisse tout jusqu'à l'abordement, on vit n'importe comment. Tentation, tournant, détention si t'es trop gourmand. Pas le temps pour faire de la psy, on découpe à la scie. L'époque est garnacière, je les laisse dans leur galaxie. Haute tension sous le porche, on a élu domicile. Aux innocents, les mains sales qui se répartissent civils. Blouse blanche ou 4 blancs si tu touches à ma pharmacie. Maman donne l'art du succès, la tienne celle de l'autopsie. Je me sens comme un Glock, au pays des canis. Insolent devant le proc, il connaît pas ma vie. Plus qu'à pêcher dans le stock, si tu mets le tarif. Scène de crime dans le bloc, c'est orange mécanique. Je me sens comme un Glock, au pays des canis. Insolent devant le proc, il connaît pas ma vie. Plus qu'à pêcher dans le stock, si tu mets le tarif. Scène de crime dans le bloc, c'est orange mécanique. Non, y'a pas de crime ni de vente propre, le détail est dans le froc. Même à 123 ans, j'aurais mieux devant le proc. On vient dans les drogues, tu pas où est la vente de TG, ça paye. Ouais, on croque la vie à peine dans juste avant de purger sa peine. Dis-toi que t'avanceras pas si tu calcules trop longtemps les gens. Et que ça va être dur de courir avec du plomb dans les jambes. Si t'es trop chaud, on t'éteint. N'ont pas besoin d'être à Napoli. Même ceux qui jouent les dingues finiront par appeler la police. L'instru craque, on l'étouffe. Le mic, on braque, on détourne. Chut, t'aurais sûrement peur si je te racontais tout. Chut, dis pas tout, gros. Dis pas tout, gros. Suffit de 2-3 headshots, au futur rap, on le détourne. N'oublie pas de payer tes dettes, crois pas que la rue est câline. J'me sens comme un parabellum au pays des canifs. Et moutier pendant tes manifs, mon rap honnête est un cri. On est gentil, mais cette vie nous pousse à commettre des dingueries. J'me sens comme un Glock au pays des canifs. Insolent devant le proc, il connaît pas ma vie. Plus qu'à pêcher dans le stock, si tu mets le tarif. Scène de crime dans le bloc, c'est orange mécanique. J'me sens comme un Glock au pays des canifs. Insolent devant le proc, il connaît pas ma vie. Plus qu'à peser dans le stock, si tu mets le tarif. Scène de crime dans le bloc, c'est orange mécanique. J'me sens comme un Glock au pays des canifs. Insolent devant le proc, il connaît pas ma vie. Plus qu'à peser dans le stock, si tu mets le tarif. Scène de crime dans le bloc, c'est orange mécanique.